day by day. Radio Guémozo, les bons moments ont toujours une musique. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours le même refrain. Bla bla bla. C'est ton défaut. Tu parles à tort des gens que tu ne connais pas. Tu dis bien fort ce que l'on pense tout bas. Bla bla bla. C'est ton défaut. Tu parles trop si la parole est d'argent. J'aurais bientôt fait fortune en t'écoutant. Bla bla bla. C'est ton défaut. Mon père, 7 heures de mon magot, connaît le chiffre par cœur. Bla bla bla, c'est ton défaut. Tu parles à tort, tu ne comprends jamais rien. Tu parles à tort, malgré cela, je t'aime bien. Bla bla bla, c'est ton défaut. Tu parles trop, mais quand il s'agit d'amour, rien n'est plus beau. Par les nuits et jours, ouais, ouais, ouais, c'est jamais trop. Wanda Jackson, Right or Wrong, et Richard Anthony à l'instant, c'était Tu parles trop. Dans ce cas, eh bien, soyons brefs, au sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale, nous aurons nos trois matchs. Le coin du spécialiste sera consacré aujourd'hui à un groupe rémois, les Lionceaux. Nous évoquerons également le hit parade de février 1963 à l'aide de quelques titres classés dans ce hit parade. En tout cas, merci de rester en notre compagnie, merci de nous écouter. Excellent après-midi sur Radio Guémozo.

Aussitôt elle s'écria: mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Les femmes des toits, et des scooby-dooby-ooh, ah, bonne, bonne, boire, et des scooby-dooby-ooh, ah, scooby-dooby-ooh. La leçon que j'en ai tirée est facile à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer. Des pommes, des poires et des scooby-dooby-ooh, ah, pommes, poires et des scooby-dooby-ooh, ah, scooby-dooby-ooh, ah, scooby-dooby-ooh, ah, scooby-dooby-ooh, ah. Les Scooby-Doo auront toutes les formes possibles, fabriquées avec des fils nylon tressés, vous vous souvenez. Le Scooby-Doo sera l'objet culte de l'époque yéyé. En décembre 1960, allez, au milieu de la variété traditionnelle, éclate un puissant bibamboulouna ultra rapide. Le morceau à peine fini, le présentateur d'Europe numéro 1, annonce: vous venez d'entendre le premier disque du premier groupe français de rock'n'roll, Les Chaussettes Noires. Well, bibamboulouna, baby, bibamboulouna, drama du sami, bibamboulouna, où donc es-tu parti, bibamboulouna, sans toi je m'ennuie, bibamboulouna, fille, je m'ennuie, si je m'ennuie. On s'est aimé une nuit, te souviens-tu, nos mille folies, mais ce bonheur c'était trop beau, il a fini dans un sable. Oh, bibamboulouna, ah, baby, bibamboulouna, où donc es-tu parti, bibamboulouna, si je m'ennuie, si je m'ennuie, yeah. Bibamboulouna, si je m'ennuie, si je m'ennuie. Bibamboulouna, ma baby, bibamboulouna, toi ma douce amie, bibamboulouna, tu me reviens chérie, bibamboulouna, et tu me le souris, bibamboulouna, si ma baby, si ma baby, ma baby, ma baby, oh, ma baby. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88200 Saint-Étienne, les Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. L'amour s'est bien moqué de moi, il m'a fait faire n'importe quoi. En ce temps-là, tout était bien, je me croyais le plus malin. Après dans le pleur la nuit, elle est partie, ma petite amie. Oui, je l'aimais beaucoup. L'amour nous rend tous fous. L'amour s'est bien moqué de moi, il m'a rendu bien maladroit. Son cœur ne voulait pas jouer, je devais tout lui avouer. À présent je suis malheureux, elle ne m'a pas pris au sérieux. Oui, j'en étais jaloux. l'amour nous rend tous fous. Je ne connaissais pas mon bonheur. À présent je n'ai plus de joie. L'amour s'est bien moqué de moi. Oui, je l'aimais beaucoup. L'amour nous rend tous fous. Oui, l'amour nous rend tous fous. Ronnie Bird, l'amour nous rend fou. C'est l'adaptation Love Made of All for You. C'est la version originale. Elle est interprétée par Buddy Holly. Sur Radio Gamozo, c'est notre premier match. C'est votre premier choix. Should, or it can make you cry at night when your baby don't treat you right, when you're feeling sad and blue. You know love's made a fool of you. You know love makes fools of men. Don't care, you're gonna try again. Time goes by, it's a passing fast. You think the love has come at last, but by and by you're gonna find crazy love has made you blind. When you're feeling sad and blue, you know love's made a fool of you. Or it can make you cry at night when your baby don't treat you right, when you're feeling sad and blue. You know love's made of you. L'amour nous rend fous, René. Et oui, car l'amour, bien sûr, qui naît subitement, est le plus long à guérir. Voilà, je vous ai livré une pensée de Ninon de l'Enclos, qui s'appelait en réalité Anne l'Enclos, dite Ninon de l'Enclos, qui est née en 1620. C'était une femme de lettres française, et son salon fut fréquenté par le libre penseur de l'époque. Des bises de moi pour toi sur Radio Gamozo. Allez, les Beatles, From Me to You. Da da da da da da da da. With love for me too. 60, le plein de nostalgie sur Radio Guémozo. De nous rejoindre, soyez les bienvenus. Transportons-nous dans l'année 1963, plus précisément en février 1963, et je vous propose, comme chaque semaine, de découvrir quelques titres classés dans le hit parade de l'époque. Françoise Hardy, L'amour s'en va, elle occupe la 37e place, de ce hit parade. S'en va Hardy, L'amour s'en va, 37e du hit parade. Il a quitté au cours de l'été 62 les Chats Sauvages pour se lancer dans une carrière solo avec 10 places de mieux. Il est 27e en ce mois de février 1963. C'est Dick Rivers que l'on trouve au cœur de la nuit. Dans la nuit, j'aperçois ton visage, le passé qui défile en image. Je cours après des souvenirs s'enfuient, je suis seul au cœur de la nuit. Je ne sais où j'irai faire escale, loin de toi j'ai perdu mon étoile. Je ne sais plus où la vie me conduit, je suis seul au cœur de la nuit. J'attends je ne sais qui, je ne sais quoi, peut-être un cri venant de toi. Oui, je l'attends comme on quête le ciel quand on est perdu dans un tunnel. Je ne vois que la rue qui s'allume, j'aperçois les reflets du bitume et les trottoirs pris sous la pluie.

kiss is worth a thousand words. Ha ha! Hey, la di la di la di, hey, la di la di la, hey, la di la di la di. Hey, girl, I love you so. All together! La la la la di. Oh, yeah! La la la la di. Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gamozo. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Take you in my arms. I'm in love with you. Love that is true. Boom, boom, boom, boom. I like the way you walk. I like the way you talk. When you walk that walk and you talk that talk, you knock me out right off of my feet. Shake, shake it, baby. Shake it up, baby. Shake it, baby. Now, now, baby. Shake it, baby. Why don't be, baby? Shake it, baby. The time to be crazy. Shake it, baby. Come on. The way you talk, when you walk that walk, and you're talking that talk, you knocking me out, right off of my feet. I need you right now, I mean right now, I don't mean tomorrow, I mean right now. Come on, come on. Come on, shake it up, baby. Come on and shake, shake it, baby. Shake it up, baby. Shake it, baby. Come on now, baby. Shake it, baby. Come on now, baby. Shake it, baby. Come on and shake, shake it, baby. All right, all right. Merci Monsieur John Lee Hooker, boum boum, à l'instant c'était les Animals. Les épreuves nous disent, et ça vous le savez, si nous avons de véritables amis. Eh bien aujourd'hui, Sylvie Vartan, ça serait plutôt l'ami des mauvais jours. Ni des mauvais jours, quand plus rien ne va, ça ne s'oublie pas. Voilà pourquoi, parmi des mauvais jours, de mes jours d'ennui, jamais je n'oublie mon meilleur ami, celui qui partageait mes espoirs et mes consolait. Au plus mauvais moment, le plus souvent, quand rien ne souriait vraiment, celui qui est resté sans jamais me quitter. Quand j'avais le cœur gros, il avait le mot pour me consoler, me faire oublier. L'ami des mauvais jours, des jours de chagrin, qui vous tend la main, le meilleur copain. serai toujours au fond de mon cœur une part meilleure au jour de bonheur. Jamais je n'oublierai celui qui m'a encouragé quand tout semblait perdu. Il est venu au moment où rien n'allait plus. D'ennui sera pour la vie mon meilleur ami, celui qui partageait mes espoirs et me consolait au plus mauvais moment, le plus souvent quand rien ne souvient vraiment. L'URSS vient de surprendre le monde en envoyant coup sur coup dans l'espace en 24 heures Vostok 3 et 4. Nous sommes en 1962 et en cette année 62 avec Adieu mon pays. Enrico Macias chante le désespoir de milliers de pieds noirs obligés de quitter l'Algérie, obligés de quitter leur pays. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Wandali Jimbalaya est juste après notre coin du spécialiste sera consacré un groupe d'origine rémoise. Nous évoquerons les Lionceaux et leur carrière. Excellent après-midi, merci de nous écouter. We gotta go, me on my own. We gotta go, for the hero down the bio. Fire upon the sweetest one, me on my own. Son of a gun with a bigger button on the bio. Red jungle, I'm broken, part of little gumbo. Cause I'm not gonna go from the sweet mother's and me, yo. I'm gonna pick a top of the fruit, and me gay, yo. With son of a gun with a bigger button on the bio. Fontaine, the place is buzzing. Ten folks come to see fun by the dozen. Get dressed in style for a while, me on my own. Son of a gun with a bigger button on the bio. With jambalaya, folks, it's fun, a fiddly gumbo. Cause tonight, I'm up on the seat, my fish ahead of me, yo. Gonna forget talk of the fruit, jumper, and the gay, yo. With son of a gun with a bigger button on the bio. Now give me a Piro. Gonna catch all the fish in the bio. Gonna spend my money, get even on what you need, oh. Son of a gun with a bigger button on the bio. Get your black coffee, try to fill it up, oh. Oh, tonight I'm gonna see about the shadow me, oh. Gonna forget all your spill from jar and be gay, oh. Son of a gun with a bigger button. Radio, collez branchés avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Quatre à chanter, les Beatles, vous connaissez. Quatre garçons dans le vent qui ont conquis le monde en chantant. Ce fameux refrain des Lionceaux a sans doute fait autant pour le succès des Beatles en France que les versions originales de leurs propres chansons. Car la magie des Lionceaux, c'était d'assimiler à notre culture rock le style des Beatles. Alain, Michel, Bob et Dan, quatre garçons. Un groupe, leur nom, les Lionceaux. Nous sommes en 1961. Le Quatuor devient bientôt le groupe chouchou de Reims et de ses environs. Après ses premiers succès locaux, les Lionceaux décident de tenter leur chance à Paris. Après leur passage au Golf Drouot en juin 1962, la chance leur continue de leur sourire avec au printemps 63. Il remporte le télécrochet qui se déroule au cours de l'émission Achetendre et Tête de Bois. Mercury, une filiale de Philips, leur fait signer un contrat de 3 ans. Le premier 45 tours des Lionceaux sort en novembre 1963. Le groupe est présenté comme la première formation française vocale et instrumentale directement influencé par les Beatles. Au printemps 64, Dan quitte le groupe. Il est remplacé par Gérard Fournier. 9 45 tours vont suivre le premier. Mais fin 65, leur maison de disques va les lâcher en pleine gloire, préférant privilégier l'artiste maison Johnny Hallyday, libéré de ses obligations militaires. Il est regrettable de voir les Lionceaux achever ainsi leur carrière. Un CD comprenant 28 titres édité par Polygram retrace la courte et merveilleuse épopée des Lionceaux. Tout comme les premiers groupes de rock du début des années 60, les Lionceaux auront marqué de leur empreinte l'époque yéyé. Grâce à un gars dénommé Posté, un peu plus tard on nous a appris le nom d'un certain monsieur Chuck Berry. Eh, eh, Baudilé, eh, Baudilé, eh, Baudilé, alors me direz-vous, c'est lui qui a fait ce rythme fou. Nous les Lionceaux, quand on entend ça, on devient dingue sans savoir pourquoi. Eh, eh, Baudilé, eh, eh, Baudilé, si Baudilé vient à Paris, nous, nos billets sont déjà pris. Vous pourrez voir qu'un regard marrant pour lui faire honneur à sa première. Et avec nous vous pourrez hurler, vive les Lionceaux et vive Baudilé. Hey, hey, Baudilé, hey, hey, Baudilé, hey, hey, Baudilé, hey, hey, Baudilé. Quel que soit le moyen, je m'en moque, je te veux tout à moi. Si j'avais eu le choix de l'époque pour t'avoir tout à moi, j'aurais bravé le feu, les orages, la mort et les grands froids. Je te veux tout à moi, je te veux tout à moi, je te veux tout à moi, je te veux tout à moi. Mais dans ce monde où tout va si vite, je te veux tout à moi. Autour de nous on s'aime, on se quitte, je te veux tout à moi. Je veux t'aimer, je veux te défendre, je veux parler de toi. Sans déguiser les mots les plus tendres, je te veux tout à moi. Je te veux tout à moi, je te veux tout à moi, je te veux tout à moi, je te veux tout à moi. Il faudra bien que la vie se passe au rythme de nos choix. Car c'est Twist sur Radio Gémozo. Les voix, le son qu'on n'oublie pas. Je veux danser avec la fille qui me plaît. Et tu le sais, c'est toi la fille qui me plaît. Radio Gémozo, retrouvez toute l'émotion des chansons des années 60. Un peu de liberté, mais tu

da do run run run, da do run run, yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah, da do run run run, da do run run, yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah, da do run run run, da do run run, yeah yeah. Johnny Hallyday, Dadu Run Run, opposé pour ce troisième et dernier match à la version originale interprétée par les Crystal. On l'écoute, vous faites votre choix, on se retrouve juste après. De choisir, surtout si l'on est un inconditionnel de Johnny Hallyday. Souvenir, souvenir sur Radio Gamozo avec Les Cascades, Les Champions pour la partie instrumentale et Del Shannon Runaway. Un titre qui va forcément vous rappeler quelque chose puisque Dave l'a repris dans les années 70 sous le titre Vanina. Together, while our hearts were young. 1957. Les Russes lancent Sputnik, le premier satellite artificiel. Plus fort, ils décident même d'emmener promener le chien dans l'espace, ou plutôt une chienne, Laïka. C'est un jardin. Jean Trenet chante le jardin extraordinaire et Simka sort des voitures aussi extraordinaires, la Chambord et la Beaulieu. Leur donne du pain, ils remuent leur derrière en spontex, donnant envie d'être une éponge. Et Gaston Lagaffe fait son apparition dans le journal de Spirou. Les employés français se retrouvent le matin devant les premiers distributeurs automatiques de boissons. Christian Dior, le maître incontesté de la mode française, tire sa révérence. Et Sissi, princesse, sort. Sacha Guitry fait une dernière sortie. Bien évidemment, théâtral. Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle est mis en musique par Miles Davis. Et les troupes françaises dirigées par le général Massu font respecter l'ordre en Algérie. Rain, won't you tell her that I love